Je terminerai cette sélection des poèmes saturniens par de larges extraits de Nocturne parisien. Nocturne parisien, roule, roule ton flot indolent, morne Seine. Sous tes ponts, qu'environne une vapeur malsaine, bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris, dont les âmes avaient pour meurtrier Paris. Mais tu n'entraînes pas en tes ondes glacées, autant que ton aspect m'inspire de pensée.